Le grand débat des sujets d'actualité pour votre développement spirituel, intellectuel et social. Le grand débat avec des contributions de spécialistes et des auditeurs de tous les 5 continents via les médias sociaux. Le grand débat, présentation, Nyomoti Samuel et Christelle Nguessan. Une production de la radio Fréquence Vie. Bienvenue dans le grand débat, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec pour thème l'origine et les causes de la pauvreté des Africains et quelques pistes de réflexion pour en sortir. Acte 2. Dans l'acte 1, le professeur agrégé des facultés de droit, Abraham Gadi, a parlé de l'absence de bancarisation, sans oublier l'exploitation de nos richesses. Il a aussi frappé dans le mille en parlant du mauvais système de marché, etc. L'économiste Pascal Yimbilin n'est pas allé par le dos de la cuillère, la méchanceté des Africains, de l'homme noir, pour tout dire. L'individualisme teinté d'égoïsme, ajouté à cela le manque d'information. L'information ne circule pas. Le bonheur pour moi seul et non pour tous favorise la pauvreté galopante des Africains. J'en passe. Les auditeurs à travers le monde ont réagi nombreux sur notre page Facebook et via notre application Android. D'aucuns ont même accablé le diable et ses démons. Le public dans le studio, par la voix de pasteur Jacques Kadem, a mis en exergue le manque de connaissances bibliques et le mauvais système éducatif en Afrique. Suite et fin de notre thème, quelle origine et les causes de la pauvreté des Africains et quelques pistes de réflexion pour en sortir. Acte 2. Toujours en compagnie de nos éminents invités, M. Pascal Yimbilin, économiste de formation, professeur agrégé des facultés de droit, Abraham Gadi, il est également pasteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Saïblé Etienne réalise à cette antenne, microphone Christelle Nguessan et Nyomoti Samuel Chrysostome. Sous la supervision générale du révérend Dieudonné Ngoumbi, directeur général de la radio Fréquence Vie. Alors Christelle Nguessan, aujourd'hui on va clore notre thème avec ce qu'il faut pour sortir les Africains de la pauvreté, n'est-ce pas? Tout à fait. Je joins ma voix à celle de Chrysostome et je souhaite la bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices de la radio Fréquence Vie et de la radio web également. Voilà. Alors aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les solutions. Les solutions, comment faire pour sortir de cette situation de pauvreté. Alors avant d'écouter nos illustres invités, suivons les quelques propositions de solutions de nos amis de la diaspora, notamment de la Suisse, de la France, du Cameroun et certains même de la Côte d'Ivoire. Écoutons-les. Les causes socioculturelles, et là on pourra dire, en fait, il y a l'éducation, l'infrastructure, et donc l'éducation, on n'investit pas assez, on n'a jamais assez investi dans l'éducation, donc dans nos pays. Donc, et ceci fait que nous accusons un retard de développement, et nous accusons donc un retard, j'allais dire, dans tout ce qui permet à un pays donc d'inventer le futur, en fait, finalement. Alors, il y a aussi la démographie qui est aussi galopante en Afrique, la démographie qui n'est pas maîtrisée. Alors ça peut être une des causes de pauvreté, comme ça peut être aussi une chance pour l'Afrique de demain. Tout ceci fait qu'on note en tout cas une sorte d'absence de sens de l'État à tous les niveaux. On note un laxisme, j'allais dire, un peu partout finalement, et qui fait qu'on n'est pas très très bien outillé pour sortir de cette pauvreté-là. Alors, pour résumer un peu, je dirais que nous devons sortir de notre mentalité d'assister et de savoir ce que nous voulons pour nous, pour nos enfants, pour demain. Alors, bonjour à tous. Je suis donc le frère Eric Thioko. Je réside donc à Strasbourg, donc en France. Donc je souhaiterais donner ma contribution concernant le thème « Pourquoi les Africains sont-ils pauvres ?» et surtout les solutions. Il faut simplement dire, je pense pour ma part, que les Africains n'ont pas été créés pour être pauvres. Nulle part dans la Bible, nous voyons que les Africains ont été créés pour être pauvres. Donc je souhaiterais d'abord le dire, que c'est très important. Au fur et à mesure que l'homme a évolué, nous sommes rendus compte de certaines habitudes que certains peuples ont pu prendre, notamment les Africains. Donc les Africains est un peuple qui a beaucoup de potentialité au niveau de son sol, au niveau de son agriculture et tout ça. Malheureusement, nous ne sommes pas conscients de tous ces avantages que nous avons. Et nous voulons toujours rester dans l'assistanat, parce que je ne sais pas si nous sommes impressionnés par la couleur blanche ou bien par les occidentaux et tout ça. Donc, il se trouve que nous sommes vraiment dans cet esprit-là d'assistanat et tout ça. C'est pas normal que les Blancs viennent en Afrique, exploitent nos richesses et après viennent nous revendre cela. Ce n'est pas normal. Donc, il faut que nous soyons conscients de cette part-là. Ensuite, je souhaiterais dire, ce n'est pas une malédiction. Hein. Je crois que c'est une question de mentalité. Okay? La pauvreté, c'est une question de mentalité. Donc, je souhaiterais aussi dire que, en termes de solution, c'est que nous devons donc changer d'attitude. Changer d'attitude par les, pourrait dire le minimum, c'est-à-dire l'Africain par exemple, je donne deux exemples. L'Africain c'est celui qui dort jusqu'à 10 heures et après va manger, ou à 11 heures va manger. Non, ou à 11 heures ce n'est plus le petit déjeuner, à 11 heures on déjeune. Et c'est maintenant, nous on va chercher à se promener dans la ville et tout ça. Donc bref, l'Africain doit changer d'attitude et de mentalité. Ça c'est le premier point. Nous devons apprendre à économiser, ok? Lorsque moi qui vis en Occident, en Europe, je vois quand je vais à un supermarché, je vois le blanc, quand il va faire ses courses, il a une liste d'achats qu'il prépare d'avance pour voir qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qui n'est pas important, et il met cela sur la liste. Donc, quand il va en supermarché, il sait ce qu'il va acheter. Il n'y a rien qui va le distraire ou bien il n'y a rien qui peut lui échapper. Donc, nous devons avoir ce genre de mentalité. Voilà un peu ma contribution. Donc, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis Monsieur Arnaud Roméo Abocha, chef d'entreprise précisément à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et je pense que cette mentalité de l'Afrique qui donne la pauvreté sur toute l'Afrique, en réalité, c'est une question de la mentalité. Pour ma part, je pense que l'Africain doit penser grand et sortir de sa mentalité de petit, de toujours tendre la main aux autres, mais de penser qu'un jour, il doit aussi donner et que quelqu'un doit lui tendre la main. Merci et à bientôt. Donc, il est important que nous puissions prendre conscience de ces éléments et sortir de notre léthargie, de notre sommeil sociopolitique, culturel et religieux. Et je pense que nous devons développer un certain panafricanisme, être fiers d'être africains, de consommer local, d'être capable de négocier sur le marché international le prix de vente de notre cacao, de notre coton et de nos ressources minières. De réclamer à qui de droit qui doit quelque chose à l'Afrique d'une manière ou d'une autre par rapport à l'exploitation qui a été faite de ce continent. Nous devons nous battre pour notre indépendance. Au-delà de cela, nous devons aimer le travail. Notre Dieu créateur est un Dieu de travail, un travailleur par excellence. La Bible nous dit dans le premier livre de la Genèse que tout ce que Dieu a fait est excellent. Mais à tort ou à raison, les Africains sont considérés comme des paresseux qui veulent avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels, sans fournir le fort qu'il faut. Et c'est d'ailleurs pourquoi la corruption est une gangrène qui détruit le continent. Donc, on doit se mettre au travail, lutter contre l'injustice sociale, lutter contre la corruption et s'engager dans toutes les sphères de la société pour faire rayonner la présence de Dieu. En ce sens, nous allons faire ce décollage de l'Afrique parce que Dieu a béni ce continent. C'est un continent qui a toutes sortes de richesses qui reste inexploité par les Africains eux-mêmes. Donc la prise de conscience socio-politique, culturelle, religieuse va nous aider à nous en sortir et à propulser le développement de notre continent. Je vous remercie. Comment en sortir? Pour en sortir, d'abord les Africains doivent prendre conscience de cette situation et mener un combat spirituel contre les administrateurs illégaux de leurs richesses et les vaincre, selon Marc 3, verset 27. Ensuite, les Africains doivent institutionnaliser dans leur pays le paiement de la dîme, comme certains pays, comme les États-Unis, l'Allemagne le font, selon Malachi 3, verset 6 à 12. Si une nation paye la dîme, Dieu ouvre les écluses dessus et déverse la bénédiction en abondance sur cette nation. Enfin, les Africains doivent changer de mentalité et cesser de croire que l'Afrique est un continent maudit et pauvre. Ils doivent se mettre au travail pour leur épanouissement personnel et collectif. Je vous remercie. Il faut déclencher ce que moi j'appelle le déclenchement de la prospérité, de la bénédiction. Il faut déclencher la prospérité, appeler la bénédiction en investissant. Et si nous les Africains, nous avons l'opportunité d'aller nous former à l'extérieur, il faut qu'au retour en Afrique, il faut qu'on puisse les mettre en pratique afin que le continent africain, je dis même pas un pays africain, mais le continent puisse en bénéficier et participer tous au développement de l'Afrique. Merci. Monsieur Banta Laurent, je suis consultant en management et en développement organisationnel. Et la pauvreté, comme vous le dites si bien, n'est pas l'apanage de l'Afrique. C'est une étiquette qu'on colle à l'Afrique, mais qui n'est pas l'apanage de l'Afrique. Mais néanmoins, étant donné que il y a plusieurs facteurs qui militent au niveau de la pauvreté en Afrique. D'abord, nous sommes des pays à des ressources faibles, et ensuite, ayant été colonisés, nous n'avions pas eu cette main libre de développer notre esprit entrepreneurial dans ce domaine. Deuxièmement, après les indépendances, il y a eu un élément que nous, les constants, les managers, nous ne posons pas. C'est-à-dire que dans nos pays africains, la politique est au devant et le développement est à la périphérie. Or, si vous prenez le modèle asiatique, le développement est au centre et la politique à la périphérie. Il faut inverser. Il faut inverser. C'est-à-dire que le développement doit prendre le pas sur la politique. Sinon, l'Africain en tant que tel est un travailleur, est un bosseur et est prêt quand même à vaincre cette pauvreté. Ça, c'est le premier cas. Sinon, on ne peut pas éradiquer la pauvreté, ça, c'est de l'utopie réelle. Mais on peut réduire le taux de pauvreté en Afrique. D'abord, qu'on essaie d'inculquer à la génération qui arrive l'esprit d'entrepreneuriat. Parce que pendant l'époque coloniale, l'éducation que nous avons reçue, cette éducation occidentale, était qu'il faut aller à l'école, sortir, porter la veste, la cravate, aller s'asseoir dans un bureau. Et cela a été une culture. Pour changer de mentalité, c'est pas avec un coup de bâton magique. C'est difficile. Mais maintenant, il faut axer la formation sur la pratique. Axer la formation sur des éléments, des données qui, à la sortie de l'étudiant, ou de l'élève, il peut aspirer à un emploi. Dans le cas contraire, il peut s'installer à son propre compte. Et aussi, il faut mettre des mécanismes de micro-projets, des mécanismes d'appui au projet pour permettre à ceux qui ont l'ingéniosité de travailler, de les aider à implanter leur... On a vu plusieurs cas d'intelligence en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle les surdoués, qui fabriquaient pas mal de choses, mais aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. En perte de vitesse, or, ces personnes-là, s'ils ont été encadrés, ils ont été coqués, et qu'ils ont eu le financement nécessaire, ils pourront développer leurs activités et recruter d'autres personnes qui allait quand même assommer cette autre partie des jeunes. Parce que ici, c'est la fonction publique. La fonction publique, elle est grand pourvoyeur au niveau des emplois. Et après, vient le privé. Et ça ne suffit pas pour la population qui augmente tous les 5 ans. Ça ne suffit pas. Parce que le taux de croissance en Côte d'Ivoire est très élevé. Donc, il faut mettre une politique de planification, une politique et de ce qu'on appelle la politique adéquation emploi-formation en place. Et il faut inculquer l'esprit entrepreneurial à nos jeunes. Voilà, nous venons d'écouter une série de propositions de solutions. On va les prendre cas par cas. On a M. Diaité de la Suisse qui dit que pour sortir de cette situation de pauvreté, l'Africain doit changer sa mentalité d'assister. L'économiste Yembiline Pascal. Merci beaucoup Chrysostome. C'est toujours un plaisir de revenir dans ce studio et aussi pour ses réactions très constructives. L'aide est nécessaire, mais elle doit compléter un effort individuel ou collectif. L'aide ne peut pas se substituer à cet effort. On peut pas sortir de la pauvreté parce que quelqu'un vous aide. Dès que l'aide s'arrête, vous devenez pauvre automatiquement. Et donc, la mentalité d'assistanat, souvent on confond une aide qui vient pour soutenir. Quand une aide vient pour soutenir un investissement, vous voulez faire des études, vous voulez faire une affaire, vous voulez monter quelque chose et quelqu'un vient vous aider pour soutenir cet investissement, on est là dans une sorte d'assistance de l'aide qui permet à la fois d'être rentable à terme et de sortir de la pauvreté. Mais quand l'aide vient pour soutenir la consommation, faire la fête, pour faire tout ce que nous aimons bien faire en tant qu'Africains, et la liste est longue, ce type d'aide, ce type d'assistanat, maintient la personne dans la pauvreté. Ça règle le problème du jour, mais ça ne règle pas le problème à long terme. Oui, tout à fait, effectivement. La première chose à faire, c'est de... Je dis pas qu'il faut pas qu'une personne soit assistée. C'est normal, c'est humain, c'est même au niveau international, l'aide est nécessaire. ça fait partie de la solidarité humaine. Mais c'est extrêmement important de définir ce qu'on veut faire de l'aide. De définir d'abord ce que l'on veut faire et aller chercher de l'aide qu'il faut pour réussir dans ce qu'on veut faire. D'accord. Monsieur Bantal Laurent, qui est intervenu tout à l'heure, il a cité des pays asiatiques. Alors, la solution asiatique contre la pauvreté en Afrique, quelles leçons l'Afrique peut-elle retenir de ces pays d'Asie passés par le communisme et qui ont su rebondir? Professeur Gadi Abraham. Oui, merci bien, Chrysostome. D'abord, avant de peut-être répondre à la question que vous posez, je vais dire que les interventions des uns des autres, ces interventions ont été très, très nourrissantes et je crois qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse à prendre en compte. Hein. Bon, l'Africain dort à 10 heures, il s'est levé tard. Je crois qu'il n'est pas contesté que l'Afrique, le continent africain vit pour l'instant, actuellement, dans des conditions de pauvreté, mais n'a pas toujours été ainsi. La preuve, c'est que les États-Unis d'Amérique, l'Europe, ont été bâtis par les Africains. C'est pourquoi les gens sont venus chercher. Moi, je pense que la plus grosse faute des Africains, c'est d'avoir accepté d'aller en esclavage là-bas. On n'avait pas tellement le choix. Non, non. Ça, c'était notre faute. Parce que vous voyez, tous les travaux des grands champs américains, ça a été fait par qui? Par les Noirs. Vous prenez tout ce qui en tire, la richesse d'Europe repose quoi? Sur le travail des Africains. Donc, on ne peut pas dire que les Africains sont paresseux. Ça, je suis pas d'accord avec cela. Ils sont pas paresseux. Ce sont des gros travailleurs. C'est parce que des gros travailleurs qui sont venus les chercher. Maintenant, lorsque l'Africain n'est pas paresseux. Pas du tout, mais bien sûr, parce que il veut dire, on n'a qu'à voir l'histoire, tous les. Mais pourquoi sont venus chercher les Africains et pas les Blancs eux-mêmes? C'est parce qu'ils n'étaient pas à mesure de le faire. Tous les grands champs de coton aux États-Unis, les grands champs de canne à sucre aux Antilles, ça n'était fait par qui? Par les Africains. Bon, donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Quelque chose qu'on doit quand même expliquer. Il est vrai que le passé ne peut pas être, je veux dire, exclu, effacé. Donc, on a développé l'esprit, la mentalité. Le passé éclaire le présent. Bien sûr, on a développer l'esprit du complexe d'infériorité parce que nos parents, nos ancêtres ont vendu nos frères. Donc le blanc était vu comme le dominateur. Et donc cette culture d'aliénation s'est développée dans le temps. Mais ce que je dois vous rappeler, c'est que 200 ans avant Jésus-Christ, par exemple, je vous parlais de c'était Hannibal, vous le connaissez peut-être. Il est entré jusqu'à Rome. Et il fut des temps avant Jésus-Christ où les blancs étaient des esclaves des noirs. Ça aussi, il faut le dire parce que des fois, les occidentaux ont tendance à salir l'image du africain qui n'a rien fait à l'humanité, et a grossi le masque, ce qui est tout à fait faux. Hannibal a vaincu et est entré à Rome. Hannibal, c'était un Africain, il faut le dire. Et ça, c'est 200 ans avant Jésus-Christ. Donc, les grands empires, on prend la vague de Nubie. Cheikh Anta Diop en a parlé. Comment ces personnes-là ont influencé l'Égypte qui a influencé la Grèce, et la Grèce qui a influencé Rome. Donc, j'arrive donc, la civilisation gréco-romaine, qui est à la base de la civilisation occidentale, elle-même a été influencée par la civilisation égyptienne, et les premiers égyptiens n'étaient pas des blancs, n'étaient pas des arabes. Les premiers étaient des noirs. Les noirs qui étaient vers le Nubie, c'est-à-dire vers le Kenya, surtout vers le Soudan. Donc, l'histoire nous le dit, l'Afrique, les noirs ont eu un temps de règne dans le passé. Maintenant, il se trouve que le développement se fait par cycle. On a été vaincus et on est entré en esclavage à la colonisation. Ça met des années. Je rassure les uns les autres. Je commence peut-être par là pour qu'on soit d'accord. Selon les prévisions du cabinet d'études américain, Price Waterhouse, en 2050, le Nigeria sera la 9e puissance économique du monde devant l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Clair, ça c'est les, il y a même plus de contestation. C'est comme la Chine va dépasser les États-Unis. C'est fixé, c'est fait déjà. Donc, je vais dire que on sera peut-être vieux, mais dans les années qui arrivent, les prévisions sont très claires. L'Afrique est le continent qui a le taux de croissance le plus élevé, en même temps aussi le taux de démographie élevé. C'est-à-dire, on a à la fois des ressources, on a la jeunesse. Maintenant, on nous sommes dans une perspective de développement économique. Et ce qui crée le problème pour l'instant, c'est l'instabilité politique. Mais on va y arriver parce que beaucoup de pays africains commencent à être stables politiquement. Dès qu'on va arriver à la stabilité économique, l'Afrique politique. Est une zone qui est encore à faire. Tout est à faire chez nous. Nos routes, nos maisons, tout est à faire. Donc, je veux dire, le développement va se focaliser ici parce que ici, il faudra faire des gros investissements, ce qui va créer une sorte de boom économique. Et là, je vous le dis, c'est clair. On dira plus, là, quand on paraît, sauf Valérie du tout, on va changer de discours. Je réitère ma question. La solution asiatique contre la pauvreté en Afrique, quelles leçons l'Afrique peut-elle retenir de ces pays d'Asie passés pour le communisme et qui ont su rebondir? Monsieur Pascal Yembeline. Merci, Chrysostome. C'est vrai que c'est nous tous contemplons la réussite asiatique qui, pourtant, pour la plupart d'entre eux, ont des histoires similaires à nôtres et peut-être même moins développées que certains de nos pays. Si on remonte il y a 20 une trentaine d'années. C'est vrai, vous parlez des pays, des États. Quand on dit Asie, on pense à la Corée, on pense à Singapour, mais effectivement, il y a des pays pays très pauvres d'Asie, communistes, et qui sont devenus, oui, aujourd'hui des puissances mondiales, et je pense par exemple au Vietnam. Et si vous savez que le Vietnam en 1986 avait un revenu par habitant de $100. C'est-à-dire moins que n'importe quel pays africain en ce moment-là, et que en l'espace de quoi en 25 ans, ils ont multiplié le revenu par habitant par 21. Ils ont multiplié par 21. Ils sont devenus un pays à revenu intermédiaire aujourd'hui. Si vous prenez, et donc ils ont eu quoi, une décroissance économique de l'ordre de 5 à 6,5 pendant les 25 dernières années. La Chine, c'est pareil. La Chine a eu dans les années 90, avait 60% de taux de pauvreté. Ils en sont à 3% aujourd'hui. Quand on voit toutes ces statistiques, on se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive, nous, Africains? Ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas par hasard. Le développement se conçoit. La réussite asiatique a d'abord été une bonne vision de développement qui a été clairement comprise énoncé par les Asiatiques eux-mêmes. La deuxième chose qu'ils ont fait, surtout pour ces deux pays communistes que je viens de citer, c'est la libéralisation de leur économie. Ils ont compris que la redistribution constante des choses qu'on n'a pas n'est pas nécessairement la solution pour régler la question de la pauvreté et qu'il va aller maintenant vers l'accroissement de la productivité, comme les économistes le disent dans leur jargon. En faisant quoi? C'était la question de l'éducation. Beaucoup d'investissements. Et quand on dit capital humain, c'est à tous les niveaux. Depuis le plombier jusqu'à l'ingénieur, tout le monde est bien formé. Deuxièmement, ils ont investi dans le capital physique, les infrastructures. Comment voulez-vous produire quand il n'y a pas d'énergie? Comment voulez-vous développer n'importe quelle activité? Comment voulez-vous qu'on prenne des productions dans les champs, on amène au port s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de moyens logistiques? Donc ils ont véritablement investi dans les capacités et ils ont mis en œuvre de façon systématique. Et ça, c'est le problème que nous avons, nous, Africains. C'est notre capacité à faire de bonnes choses dans la durée. Regardez nos équipes de foot. Ils gagnent un match aujourd'hui. Après, le jour d'après, ils sont derrière. Le docteur Agbédé du Cameroun disait que pour sortir l'Afrique de la pauvreté, il faut développer le panafricanisme. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça dépend de ce qu'on appelle panafricanisme. Vous savez, c'est un mot où on met tout là-dedans. Il a même dit quelque part, il faut consommer local. Oui, mais il faut d'abord produire local. Comment voulez-vous? On n'a pas d'énergie pour produire. Parce que je suis d'accord sur le constat que nous consommons ce que nous ne produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. Ça, c'est un problème. Et quel est votre avis là-dessus? Moi, je pense que si le panafricanisme veut dire que nous ouvrons cette possibilité d'échange entre Africains, parce que il y a rien de pire, c'est pas si vous avez fait les frontières, d'être dans un camion, vous roulez très bien, vous arrivez à la frontière et le camion passe 2 jours, 3 jours là pour dédouaner avant d'aller dans le village d'en face. Vous voyez un peu comment les véhicules circulent entre les pays européens. Et qu'est-ce qu'on veut dire exactement? Ce que je veux dire, c'est si le panafricanisme veut dire renforcer l'intégration des économies africaines, n'est-ce pas? Renforcer les échanges entre pays africains. Lever les barrières, je parlais de la libéralisation en Asie. La libéralisation, ça veut dire simplifier les mouvements entre les biens, entre les personnes, entre les capitaux en Afrique. Faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de 36 000 visas pour faire 36 pays africains. Si c'est ça le panafricanisme, oui. Mais si c'est le panafricanisme des grandes rencontres, des grands discours et des grands sommets, je pense que ça, on sait le faire et malheureusement, ça n'a pas donné un grand résultat. Je rappelle que vous êtes aussi économiste. Oui, je suis économiste. Voilà, alors il y a M. Éric Tsieko de la France qui dit ici que il faut que les Africains apprennent à économiser et à budgétiser leurs achats. Donc, de façon pratique, comment est-ce qu'un Africain, bon, moi comme ça, comment est-ce que je peux économiser mon revenu? Comment est-ce que je peux arriver à budgétiser mes dépenses et autres? Vous savez, c'est une question extrêmement importante. Quelqu'un qui est riche, on doit voir s'il est riche en net, c'est-à-dire la dépense entre ses revenus et ses dépenses. Vous avez des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de dépenses, à la fin ils sont pauvres, n'est-ce pas? Ils sont mal, ils sont en dette. Et donc, c'est le fait de maîtriser son train de vie. Comment est-ce qu'on le fait de façon pratique? C'est qu'on le fait de façon pratique, c'est que si j'ai un revenu, je sais que je gagne tant par mois, par semaine, par heure ou par suivant. Bon, disons 100 000 francs par mois. Que je gagne 100 000 francs par mois, je ne dois pas avoir un niveau de vie qui dépasse les 100 000 par mois. Ça veut dire que si aujourd'hui j'ai dépensé 5 000, je dois savoir que demain je dois dépenser moins. Vous savez, il y a des gens, ce qu'ils font deux fois, c'est qu'ils déterminent d'abord l'épargne qu'ils veulent faire. Je gagne 100 000, je me dis, je vais prendre peut-être 20 000. On dit que 20% déjà, c'est pas mal. Je mets, et je sais que ce 20 000 là, je ne toucherai pas. Et, mais ce n'est pas, et il faut que je définisse ce que je veux faire avec 20 000, n'est-ce pas? Je définisse l'investissement que je voulais faire. Parce que vous savez, quand vous allez dans une banque pour demander un crédit et que la banque se rend compte, regarde l'historique de votre compte et qui se rend compte que chaque fin du mois, vous laissez 20 000 francs sur votre compte, tout de suite, on parlait tout à l'heure de la mentalité, ça lui donne une idée de votre mentalité. Il n'a pas besoin d'aller vous chercher, savoir dans quel quartier vous habitez, qu'est-ce que vous faites. Il y a plus de confiance. Mais cette capacité, la banque sait combien arrive sur le compte et combien vous gardez. Et cette rigueur-là, ça met déjà la banque en confiance pour vous prêter. Ça met n'importe qui vit avec vous en confiance pour vous assister, pour faire votre investissement. Des fois, on fait nos économies pour la prochaine fête, c'est ça qui est dommage. On économise mal, c'est bien cela. Professeur Gadi Abraham. Oui, j'avais voulu réagir par rapport à l'idée qui avait été proposée concernant le fait de consommer africain, c'est ce qu'on appelle le patriotisme économique. Le Japon a bien appliqué à travers ce qu'on appelle le dumping japonais, le dumping chinois même. C'est-à-dire la tendance à vouloir être enseigner pour consommer. On sait que c'est une pratique anticoncurrentielle, notamment qui porte atteinte un peu au test de l'OMC, notamment ce qu'on appelle le traitement spécial différencié. Mais enfin, bref, je dis que, mais c'est une technique qui est importante parce que quand vous apprenez à consommer local, à aimer ce qui est local, tout à l'heure on a parlé du Vietnam qui a beaucoup mis l'accent sur la production du riz à un très haut niveau. Donc il y a toujours quelque chose qui se fait. C'est même la France pratique ça, ce qu'on appelle le patriotisme économique, stratégie économique qu'on doit développer. C'est-à-dire apprendre à aimer ce qui est fait, ce qui est fait de manière locale, parce que ça développe le tissu local. Les États-Unis sont puissants, mais parce que les États-Unis consomment principalement américains. Lorsque par exemple quelqu'un sort des États-Unis, il a eu suffisamment de bénéfices. À la limite même le marché extérieur n'intéresse pas parce que le marché local est très très fort. Donc pour arriver au développement, on doit enseigner à aimer ce qui se passe au niveau local, même si c'est pas là, ça n'a pas la beauté. Vous sortez de la pauvreté. Mais absolument. C'est-à-dire, ça, c'est je parle de thèse, je parle de patriotisme économique. Le dumping, c'est vraiment faire en sorte à aimer et à consommer local. C'est extrêmement important. On fait du riz en Côte d'Ivoire et malheureusement, ça ne suffit peut-être pas, mais parce que l'État n'a jamais mis des ressources pour développer le riz local. La tchèque aujourd'hui est produite par les Chinois. C'est pas un scandale parce qu'on peut imiter tout. Mais il faut que, en apprenant à développer le local, à manger local, à consommer local, à s'habiller local, on accroît le tissu social et on permet aux personnes. Si on transformait le cacao en chocolat, par exemple, et que les Ivoiriens apprenaient à manger le chocolat, qui d'ailleurs, au niveau de la santé, est une très bonne chose, on développerait une tissu économique puissant et on ne serait pas amené à pouvoir exporter. Parce que quand on exporte, il n'y a pas de plus-value. Ce qu'on n'allait pas à transformer. Donc, vous voyez que ce sont des choses qu'on sait, qu'on doit pouvoir développer. Je pense que j'avais à réagir sur cet aspect. C'est pourquoi j'ai insisté sur effectivement ce qu'on appelle le dumping ou bien, si vous voulez, le patriotisme économique. Pour revenir sur Eric Thioko de la France, nous devons prendre conscience de l'exploitation des Occidentaux. Rapidement, un mot là-dessus? Oui, absolument. L'Europe nous a exploités parce qu'on a voulu qu'elle nous exploite ou qu'ils nous exploitent. Avant Jésus-Christ, les Blancs étaient des esclaves des Noirs. Il ne faut pas oublier ça. Mais vous voyez, c'est une partie de l'histoire dont on ne parlera jamais. Est-ce que vous savez que les Africains ont sont bien arrivés en Amérique avant les Européens, et des fouilles archéologiques ont montré que au niveau des statues, les formes des statues avaient également ce qu'on appelle les traits négroïdes. C'est-à-dire qu'avant que ce soit Colombe, les Africains étaient là-bas. Parce que pourquoi il y a eu un lien entre les pyramides d'Égypte et les pyramides mayas au Pérou. Mais c'est quelque chose dont on ne parle même pas. Moi, je le dis en tant que prof d'université, j'enseigne aux étudiants, même au niveau des droits de l'homme. On a beaucoup parlé de déclaration des droits de l'homme, on a parlé de Bill of Rights. Eux savaient qu'il y a eu la déclaration de Kourougamfou en 1232, au moment où Soldat Keïta était intronisé comme empereur. Mais on n'a jamais parlé de cela. Donc en Afrique, on a tellement de choses qui n'ont jamais été expliquées au point qu'on a l'impression qu'on n'a pas d'histoire. Donc effectivement, ces aspects exigent une grande connaissance. Si on exhume le passé, qu'on sait qu'on a été, on a eu un passé glorieux, y compris sur le plan biblique, que les Noirs ont joué un rôle au niveau biblique, mais un rôle très important, on sera plus complet ça devant un Européen, un Américain, on saura que on a eu un passé glorieux et on va l'avoir. C'est une question d'histoire. Tout à l'heure, j'ai donné les prévisions du cabinet Price Waterhouse. C'est clair, c'est net. Dans 30 ans, c'est fini. Là, on professeur Gadi Abraham, oui, la réaction de Monsieur Pascal Yembeline, allez-y. Ouais, sur ce, moi, professeur a peut-être raison d'aller dans l'histoire. Mais moi, je suis très prudent quand on parle des Blancs qui nous viennent nous exploiter, etc. Et j'ai eu à travailler aussi sur nos économies. C'est vrai que C'est la réaction de M. Eric Thioko de la France. Ces multinationales, elles sont tellement puissantes, nos États n'ont pas fortement les capacités nécessaires de négocier des bons contrats avec eux. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que même le peu qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on fait avec? Prenez l'exemple des pays pétroliers africains aujourd'hui. Où est-ce qu'ils en sont? Ils sont dans de grandes difficultés. Je me rappelle, dans les années 90, on demandait à un pays, mais écoutez, ouvrez un compte séquestre, un compte où vous allez mettre une partie de vos ressources de manière à lisser votre consommation dans le temps. Ces pays ont dit non. Aujourd'hui, ils ont de gros problèmes. Lorsque le cours était très élevé, mais ces pays pensaient qu'ils n'allaient pas baisser un jour. Mais il faut c'est la loi du marché, l'économie mondiale. Proposition concrète pour sortir de la pauvreté. Monsieur Pascal Yembeline. C'est que nous devrions nous doter. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas le client qui viendra nous dire ah ouais vous êtes très pauvre, je vais vous signer des contrats qui vous soient favorables. C'est à nous de nous doter des capacités nécessaires pour négocier nos contrats. Parce que des fois, pourquoi ces contrats-là, on ne les fait pas passer au niveau de l'Assemblée nationale? Pourquoi la société civile, certaines personnalités dans le pays ne regardent pas le contrat? Pourquoi c'est toujours signé de façon secrète? D'accord. Il faut connaître l'histoire pour éviter des histoires. Alors, pour terminer, monsieur, madame Aounou de la Côte d'Ivoire disait ceci, il faut institutionnaliser la dîme, briser les démons. Bon, comme nous sommes avec un pasteur également sur le plateau, pasteur Gadi Abraham. Non, on avait déjà expliqué ça la semaine dernière. Mm-hmm. Je pense qu'il faut sortir du mysticisme religieux. Mais l'élément revient. Non, je reviens parce que on n'enseigne pas aux chrétiens. La pauvreté, la richesse, c'est d'abord un choix. Satan est présent au Vietnam, ce sont des bouddhistes. Satan est en Inde, ce sont des bouddhistes. Satan est présent en Chine, Satan est présent au Japon. Le Japon a un taux de pénétration d'évangile qui est très très faible. C'est la troisième puissance économique du monde, mais regardez, c'est la deuxième, parce que les Chinois, ils sont 1 milliard et quelques. Donc, n'allez pas me dire que ce sont des démons qui font qu'on est pauvre. Mais souvent, on nous dit à l'église qu'il faut déclencher la bénédiction, prospérité. L'église a aussi un rôle de coaching, de force, mais il faut que ceux qui prêchent. Je m'excuse, ça relève la responsabilité des pasteurs. Maintenant, chaque pasteur prêche en fonction de son niveau. Mais moi, Gadi Abraham, je peux pas dire à l'église que la pauvreté, ça vient de Satan et des démons. Priez seulement, brisez-le. Là, vous n'êtes pas d'accord, hein? Non, mais sans logique, il faut pas que. Il y a des propos qui font qu'on se manque des évangiles, notamment. Tu vois, quand vous avez affaire, je m'excuse, mais je suis professeur agrégé. Quelqu'un va s'asseoir devant moi. Si moi, je n'étais pas chrétien, tu me racontes ça, mais je ne t'écoute même plus. Tu dis n'importe quoi. Satan est partout, il est en Chine, il est partout. Satan est partout. Pourquoi eux? Tout à l'heure, on donne l'exemple du Vietnam. Le Vietnam a subi le fou des États-Unis. Le pays était quasiment. Les Américains ont lancé des bombes en état. Le Vietnam a été écrasé. Mais complètement. Comment c'est fait que 30 ans après, le Vietnam est devant la Côte d'Ivoire? Et pourtant, au Vietnam, il y a de gros païens là-bas. Vous voyez, Dieu est un Dieu juste. Il bénit l'œuvre de nos mains. Il faut qu'on cesse de dire que c'est le sorcier du village et c'est ça qui est fait. Ce sont des mensonges que certains pasteurs racontent pour que le peuple soit sujeté et qu'on soit dépendant des prières de délivrance. Donc il n'y a pas lieu de déclencher. Non, je n'ai pas dit ça, mais je dis qu'il faut enseigner. La délivrance, c'est vrai. D'accord. Mais en même temps qu'on finit de dire, c'est un délivrance, dit aux chrétiens, ils doivent aller travailler. Il faut travailler de 4h du matin à 22h. Il faut arrêter. Pour sortir de la pauvreté. Mais bien sûr, il faut travailler dur. Et non, briser les démons. Non. Absolument, il faut être rigoureux, il faut faire la planification, il faut gérer des choses. Les démons existent, parce que. Bien sûr, je ne dis pas. Moi, je chasse des démons. Je les chasse. Vraiment, même. Tu peux venir à l'église, je peux te montrer. Les démons, je les chasse. À l'église, chez moi, j'enseigne aux chrétiens. Je peux dire à l'église actuellement, des gens ont commencé à devenir riches. C'est pourquoi on a mis 2 ans pour bâtir un beau temple, grand temple climatisé en 2 ans. On n'était pas nombreux à l'époque. J'enseigne aux chrétiens. Comment sortir de la pauvreté? Comment travailler? Et à l'église, si vous partez par exemple chez moi à l'église, vous ne verrez pas en semaine un seul fidèle qui est assis là-bas qui ne fait rien. Vous ne verrez pas quelqu'un. J'interdis ça. Vous ne venez pas s'asseoir à l'église à ne rien faire. Jamais, c'est fermé. Tu dois aller au travail. Et quand c'est de travailler, tu travailles. Dimanche, tu viens prier. En semaine, tu viens prier. Le travail pour sortir de la pauvreté. Le travail est un facteur de bénédiction parce que Dieu lui-même a travaillé et ensuite s'est reposé pour passer le témoin. Alors, ça, c'est la vérité biblique. Si on enseigne pas aux chrétiens, qu'on enseigne autre chose, ça sera du mensonge. Et plus tard, je crains que ceci n'encourage les enfants de ces chrétiens à rejeter Dieu parce que leurs parents le seront laissés dans la pauvreté. Ils vont dire, si ton Dieu est pauvre comme ça, je veux pas de lui. Merci beaucoup, professeur et pasteur Gadi Abraham. Voilà. Alors, la voix du public veut intervenir. C'est le pasteur Kandem. Ok. Je vous remercie et les panélistes, c'est très intéressant et je remercie le pasteur Gadji parce que justement c'est sur ce point-là que je devais réagir. Je lis 2 passages bibliques pour que nous puissions être vraiment centrés dans cela. Allez-y, rapidement. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ça, c'est psaume premier. Et l'apôtre Paul, aux 2 Thessaloniciens, chapitre 3, voici ce que la Bible dit au verset 6. « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été jour et nuit à l'œuvre pour naître à la charge de chacun d'entre vous. Au verset 10, à la fin du verset 10, il dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc tout ceci, c'est pour dire que il y a les démons. Il y a les sorciers, c'est une réalité, mais il y a le travail. Il est important lorsque nous sommes enfants de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul parle de vivre dans le désordre, si le mot désordre, c'est tactos, ça dit que dans l'irrégularité. On doit alors équilibrer donc. Voilà, il faut équilibrer, mais il faut être sérieux dans ce que nous faisons. Quand vous venez à l'église et vous avez des problèmes, vous voulez qu'on prie pour vous. Recevez les instructions qu'on vous donne sur le plan spirituel, mais si vous êtes un travailleur, travaillez. Il y a des gens qui cherchent du travail. Ils ont un diplôme. Vous pouvez vendre la loco. Vous pouvez vendre le gaba. Est-ce que vous savez que le gaba rapporte en moyenne 10 000 francs par jour? Si vous vendez rien que le gaba, il y a les woro woro. Une voiture occasion pour le woro avec 1 500 000. Pasteur Jacques Candem, je ne vous enlève pas la parole de la bouche. Pour tous nos auditeurs qui nous suivent à travers le monde, nous voulons préciser que le garba est un maître répandu en Côte d'Ivoire, constitué de l'attiéké fait à base de la sémoule de manioc et du thon frit. Les wororo, ce sont des taxis communaux. Pasteur Jacques Candem, vous avez la parole. Merci Chrysostome. Si vous savez, j'ai été au Maghreb pendant quelques années. Je suis des chrétiens, même des non-chrétiens. Il y a des gens, ils sont là-bas avec 5000 dollars. Pour aller en Europe, 5000 euros pour traverser. Est-ce que vous savez que 5000 euros, c'est combien? C'est 3 millions. Hein, plus de 3 millions. Donc, d'accord. C'est une façon de dire que le travail est important. Nous prions. Le diable est là. On chasse le diable. Mais si le diable est parti, là, c'est pas Dieu qui va tenir notre main pour travailler. Merci. Nous devons être ordonnés et nous Jacques, engager dans tout quand ce que même, on n'a pris pas le temps. Alors, merci beaucoup. Nous devons être organisés, disciplinés et nous engager dans tout ce que nous entreprenons. Merci infiniment, Pasteur Jacques Candem, pour votre contribution. On va aller avec notre économiste, Monsieur Pascal Yembiline. Qu'est-ce que vous avez à nous répondre? Ben, écoutez, rapidement. Puis, au somme, je ne peux qu'exprimer ma joie de voir deux pasteurs vraiment être aussi clairs et aussi. Et moi, je pense que ça ne peut que faire plaisir parce qu'il y a eu beaucoup de confusion. De fois, on pense que c'est parce qu'on va donner de l'argent à Dieu, alors c'est comme si c'est du marchandage, hein, n'est-ce pas? Et l'élément, le travail ou l'investissement que l'on fait dans un travail est indispensable. Et je pense pas qu'il y ait une loi quelque part, qu'il y ait dans une religion qui interdit aux gens de ne pas travailler. Dieu peut pas faire des miracles tous les matins à quelqu'un parce que sinon il sera contre ses propres lois qui dit que tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est ça. D'accord, Pascal Yembiline. Oui, voilà. Alors, on a certaines réactions également sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de la radio, que je rappelle est 89.4 Vie. On a notre frère Jérémy Kambiel Muyamuna du Congo qui nous dit « Il faut bannir la mendicité, il faut travailler, parce que la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. » Il rejoint le pasteur Kandem, voilà. Et il dit également que « faut travailler comme un fou. » Parce que c'est ce que les Américains font et nous les envions. Notre frère Jordan Anon de la Côte d'Ivoire nous dit « Les démons de pauvreté œuvrent activement pour maintenir l'Afrique dans la pauvreté. La solution est la prière au nom de Jésus et la fidélité de tous les Africains dans leur dîme, car la dîme ouvre les écluses des cieux sur les nations, selon Malachie 3, verset 10. » C'est le cas des États-Unis, selon certaines informations que j'ai eues. Voilà. Et notre frère Victor Nzadji, également du Congo, nous dit la pauvreté africaine est due au fait que l'Africain ne consomme pas africain. Il rejoint le pasteur Gadji. Si nous nous aimons de cette idée, nous penserons à produire. Aujourd'hui, si nous faisons une enquête, nous constaterons que tout vient d'ailleurs. On a également le frère Paul Aka qui nous dit que l'Afrique peut sortir de la pauvreté si nous nous donnons véritablement au Seigneur et aussi par l'entrepreneuriat, car l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère Ago Elda le vainqueur nous dit « Pour ma part, je dirais que nous devons changer de mentalité. Ensuite, il faudrait que entreprendre tous en respectant les principes de ce domaine, Dieu bénira ainsi les fruits obtenus. » J'ai gardé le meilleur pour la fin. Le pasteur Patrick Yoro, plutôt de la Côte d'Ivoire, il nous dit « Quelques définitions rendues faciles pour tous afin d'expliquer quelques causes de notre pauvreté. Socialisme, tu as deux vaches et tu donnes une à ton voisin. Communisme, tu as deux vaches, le gouvernement prend les deux et te donne le lait. Le capitalisme traditionnel, tu as deux vaches, tu vends une et tu achètes un mâle. Tu multiplies tes vaches et il y a croissance économique. Tu les vends, tu prends ta retraite et tu vis sur tes bénéfices. Le capitalisme moderne, tu as deux vaches, tu vends une et tu achètes un mâle. Tu multiplies tes vaches et tu achètes celles de tes voisins. Ces derniers deviennent tes bergers, tu les payes en monnaie de singe et ils meurent pauvres. La société noire, tu as deux vaches, tu les bouffes toutes, les mêmes jours, et tu rêves que tes donateurs ou la communauté internationale t'en donnent d'autres. Tu te rends dans une église ou une mosquée prier Jésus ou Mahomet pour qu'ils t'en donnent d'autres. Tu fais 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire pour que les vaches tombent du ciel. Tu récites « Je vous salue Marie » 1 million de fois sans succès. Tu cherches ces passages qui parlent de vaches dans la Bible ou le Coran et tu lis pendant les longues nuits avec un pasteur ou un imam espérant voir les vaches apparaître. À la fin, et à force de lire la Bible ou le Coran, tu deviens un prophète de la bonne nouvelle des vaches qui viendront bientôt. Tu meurs pauvre dans une misère plutôt extrême. Voilà les systèmes dans lesquels nous vivons. Et parmi ces systèmes, celui de l'Afrique est le pire. Oui, je pense que c'est un peu caricatural parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que ces peuples africains, je le rappelle encore, hein, je le rappelle, là c'est clair, hein, les prévisions, parce qu'il est quand même bien de donner l'espoir, les prévisions sont claires. J'en ai parlé, mais personne n'a voulu entendre ça. Les prévisions du cabinet, il y a trois grands cabinets au monde, les plus importants. Vous avez KPMG, vous avez PricewaterhouseCoopers, et puis vous avez peut-être bon d'autres cabinets français. Les prévisions sont claires. En 2050, le Nigeria sera devant la France et les États-Unis. Pas devant les États-Unis, l'Allemagne. En termes de taux de croissance. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut qu'on change ce qu'on appelle le pessimisme africain pour entrer dans un système d'optimisme. Comme moi, je sais ça, qu'est-ce que je fais? Je travaille à cela. J'ai des amis européens qui cherchent à investir en Afrique parce qu'ils ont l'information. Ils ont l'information. Ils savent. Tout est déjà fait en Europe, tout est fait. Le goudron arrive jusque devant les portes, même dans les campagnes. Donc, le lieu où on peut investir pour devenir riche, c'est encore le côté africain qui est tout à fait vierge. Donc, à un moment donné, les personnes vont se tourner vers l'Afrique pour investir de manière massive. Et donc il va y avoir une attraction. Donc, ceux qui écoutent doivent savoir que c'est peut-être pas notre temps, de manière physique, on sera peut-être vieux. Mais en termes de prospects, ce qu'on appelle les prospectives africaines sont les plus lumineuses qui soient. Donc, il faut arrêter de penser qu'on n'est rien du tout et pleurer sur soi. Les perspectives sont claires, deux ou trois. On a des hommes et des femmes. Mais formés qui enseignent, pour enseigner dans une université européenne ou américaine, un noir, il faut être très fort. Il y a beaucoup de noirs qui enseignent dans les grandes universités. Mais vraiment, américaine, européenne. Quand tu vois un noir enseigner à une université européenne ou américaine, c'est que c'est vraiment, il est au top, quoi. Et ils viennent pas ces personnes. Donc, en termes de ressources humaines, ressources, naturelles, c'est juste une question de temps. Le passage des témoins. Aujourd'hui, à l'église, on parle de prospérité. Avant, il fallait marcher dans la sanctification parce que Jésus revient. Aujourd'hui, Fréquence Vie parle de pauvreté. C'est un progrès. Donc, le chrétien va prendre conscience que prospérer, selon Dieu, n'est pas un signe charnel, mais que c'est un signe que Dieu est dans sa parole. Merci donc, au fur et à mesure qu'on va en parler, les portes vont s'ouvrir. Merci beaucoup. On cessera de penser que quand on est chrétien, il y a beaucoup à dire, en tout vraiment. Cas, pour ce qu'a dit Abraham, sur l'entrepreneuriat, nous allons partir du côté de la belle vitrine, mais sur l'entrepreneuriat, Ago Eldad, le vainqueur, disait qu'il faut entreprendre. Il parlait de l'entrepreneuriat, l'économiste, en quelques mots, rapidement, pour sortir de la pauvreté. Très rapidement, peut-être avec votre permission aussi, dire un mot sur l'afro-pessimisme, mais surtout ce que Christelle vient de lire. Mais il faut pas surtout aller au point de dire que les Africains seraient des irrationnels au sens économique. C'est pas, la question n'est pas là. Pas du tout. Pas du tout. La question n'est pas là. L'Africain a un comportement économique rationnel. Après, il y a des questions de mentalité, il y a des questions de culture, il y a des questions de contexte. Il y a des questions aussi de voir des gens faire des choses pour les imiter. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui manquent et qu'il faut, il faut les mettre en place. Il faut les mettre en place. Et effectivement, l'entrepreneuriat, est, je crois que ça, c'est un élément extrêmement important. Parce que je crois que le professeur Gadji disait tout à l'heure, le travail où on fait ses études, on revient, on est recruté par l'État, on est fonctionnaire, ça, ce type de travail va de moins en moins exister. Oui. Là-bas, on le voit déjà. Donc, aujourd'hui, c'est qu'on va voir dans les années qui viennent, ça va être les gens eux-mêmes qui vont créer propre travail. Oui. Et en créant son travail, ils créent aussi le travail des autres parce qu'on ne travaille pas tout seul. Et donc, l'entrepreneuriat est quelque chose d'extrêmement important. Mais c'est aussi, il faut savoir, passer de fois, quand on dit ça, on pense que ah ben oui, mais je vais devenir entrepreneur. Non, il y a un sacrifice à faire. Il n'y a pas de progrès sans sacrifice. C'est comme si c'est un agriculteur, ben, il faut qu'il accepte perdre la semence, mettre sous terre. Parce que s'il prend, il mange, il n'y aura pas de culture. Là, c'est quand on a une semence. Et lorsqu'on n'a pas de semence, on n'a pas de soutien, on n'a personne pour nous aider. Le pasteur Kadema a parlé de force. On peut pousser, on peut faire des pousses-pousses. Pour faire le garba, c'est quoi? C'est rien du tout. Pour faire un garba, c'est rien du tout. C'est du poisson, de la tétine, oui, du piment frais. Enfin, franchement, vous n'avez pas dit que n'a pas 10 000 francs. Il faut arrêter ça. Nous avons des forêts. Il y a tellement d'opportunités. Hein, regardez juste les services que ce sont les autres qui viennent nous rendre. Par exemple, vendre n'importe quoi aux Africains. Vous allez dans nos boutiques, vous allez dans les supermarchés, etc. Beaucoup de chinoiseries, franchement. Pourquoi nous-mêmes nous achetons pas ces choses pour les vendre? Donc, l'entrepreneuriat, après, ça dépend du contexte dans lequel on est. C'est chacun qui doit saisir les opportunités qui se présentent à lui. D'accord. Monsieur Pascal Yimbiline, beaucoup de réactions. Voilà. Christelle, on va partir. Alors, on a Charlotte du Canada, Madame Tsekoura de la France, Bekanti de Boaké, Jean-Luc Osnard de la France, Dr Gonti Gondo de Boaké également, et le pasteur Chalia de la France qui interviennent aussi sur les propositions de solutions. En termes de solutions, je pense qu'en tant qu'Africain, nous devons faire tout ce que nous trouvons sous la main et aussi respecter cela. Car c'est ce que nous faisons avec tout notre dévouement que le Seigneur bénit. Merci. Mais le conseil que je voudrais donner, c'est sincèrement que les Africains reviennent à Christ. Et nous qui, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avons la connaissance de Christ, c'est à nous d'intercéder afin que dans sa miséricorde, il puisse rétablir, restaurer l'Afrique. Donc, tournons-nous vers notre Père, crions à lui. Quand il y a des élections, au lieu que le sang coule, que nous puissions intercéder afin que le Seigneur qui lui-même a établi les autorités, afin que ce soit lui sa volonté qui se fasse, afin que chaque dirigeant soit selon la volonté de Christ, pour que nous puissions vivre dans la paix. Donc, voilà ma petite contribution. Une seule solution pour l'Afrique aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ et personne d'autre. Je vous remercie. Si nous faisons un tout petit peu d'effort, de faire confiance à ce que nous avons et à ce que nous sommes, nous y parviendrons. Nous atteindrons notre but et on nous considérera, on saura que nous, on est riche. L'Afrique est riche. Merci. Bonjour à tous, bonjour à la Côte d'Ivoire. Jean-Luc Cosnard, docteur en théologie, président des éditions Vida. La pauvreté est un grand sujet. Comment sortir de la pauvreté? Déjà en aimant son prochain, déjà en l'aidant, et puis en travaillant. C'est encore une valeur de la Bible que le travail. La Bible, à de nombreuses reprises, souligne l'importance du travail, le fait que l'homme qui travaille est un homme digne, qui peut se regarder lui-même, qui n'a pas honte, nourrir sa famille. Donc, une des pistes, bien sûr, c'est de se mettre au travail. Encore faut-il qu'il y ait du travail. Et ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. Donc ça, c'est une grosse difficulté. Que faire encore si ce n'est développer, pour un pays, les richesses naturelles, les valeurs qui sont les siennes, et ce n'est pas forcément les richesses du sous-sol que, malheureusement, bien trop souvent, les Occidentaux ont usurpées, ou en tout cas négociées, et s'enrichissent avec cela, mais aussi les richesses intellectuelles. Et il y a une richesse intellectuelle africaine que nous apprécions en Europe, en Occident. Ça aussi, c'est une possibilité, une façon de sortir de la pauvreté. Et pour que nous puissions changer cette situation, il est important pour nous de pouvoir changer des mentalités, de pouvoir changer notre façon de percevoir la vie, notre façon de gérer les biens que Dieu a mis à notre disposition. Et c'est à ce seul prix-là que nous pourrons faire sortir l'Afrique de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous devons prier le Seigneur pour que l'Afrique puisse retrouver, je dirais, sa prospérité. Et je crois que tout est possible, car l'Afrique est prospère. Mais il faut que nous soyons en réalité que seul Jésus-Christ pourra dénouer ce problème, pourra en effet endiguer cette misère à chaque membre des pays africains, en effet, eh bien, de quoi vivre et de quoi se nourrir. C'est pour ça, plaçons dès maintenant notre confiance en Jésus-Christ, que croyons également que Jésus peut en effet, dès maintenant, eh bien, apporter la prospérité à l'Afrique, apporter le développement à l'Afrique, et je le crois sincèrement que cela est possible. Bien-aimés, je vous remercie, je vous souhaite une excellente émission, par la grâce de Jésus-Christ, salut tous à Abidjan. Donc vous voyez que c'est trop... Voilà, nous avons deux mots. Voilà, nous avons deux mots qui nous reviennent, prière et travail. Professeur Gadjic, qu'est-ce que vous en pensez? On prie déjà beaucoup en Afrique, alors je ne sais pas comment ils veulent qu'on prie encore. On prie déjà beaucoup, en jeûne on prie. Tous les vendredis, il y avait des prières partout. On est toujours pauvres. Donc, on dit que la prière est l'âme du chrétien. Pourquoi qu'on dise qu'on n'y prie pas? L'apôtre Gadjic Abraham. On va prier comment maintenant pour qu'on soit riche? Il faut absolument savoir que la Bible dit d'ignorance, là, ça tue. Prier sans cesse. D'ignorance tue. Ça n'a rien à voir avec la prière. Parce que si c'est ça la prière qui donnait la richesse, là, en Afrique, là, on serait déjà riche. Nos routes seraient tracées. On n'aurait pas de problème pour construire nos églises. On met 10 ans pour construire une église de 500 plans. Si c'est prière seulement, toutes nos églises seraient bâties déjà. Chaque pasteur serait à l'aise. Parce qu'on a oublié quelque chose, c'est que Dieu n'agit jamais en dehors de sa parole. On prie, on travaille. Le passage du pasteur Candin qui est tout à l'heure, il n'y a pas plus clair que ce que Dieu dit, la Bible dit. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Le païen, il peut être contre Dieu même. S'il travaille, comme Dieu dit, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est une loi de la nature. Il faut vraiment, il ne faut pas qu'on nous infantilise comme si on priait. Les Européens ne prient pas du tout. Il prie même pas. Et le culte, ça dure une heure et demie. C'est une accusation grave. Mais c'est pas faux ce que je dis. J'y vais tout le temps. Le culte fait une heure et demie. Et pourtant, ils sont riches. Parce qu'ils ont, ils ont renversé les choses. Ils ont mis l'accent sur le travail. Ils travaillent plus, ils prient moins. Voilà. Nous, on prie beaucoup, on travaille moins. Donc, vous voyez que ce qu'il faut faire, c'est faire l'équilibre. Si on fait l'équilibre, alors, on sera prospère financièrement et on sera prospère spirituellement. Voilà ce qui est vrai. Alors, monsieur Nyembeline Pascal. Moi, ça me fait penser à un passage qui dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et moi, je dirais faisant la similitude pour dire il y a le travail, la prière, ce sont deux choses qu'il ne faut pas mélanger. Parce que dès qu'on mélange, on ne sait plus où est-ce qu'on est. Et après, on commence à accuser les Occidentaux, à accuser Dieu qui ne nous bénit pas, à accuser ceci, à accuser cela, alors que peut-être que notre propre organisation, quelqu'un ne peut pas être responsable de tout dans une communauté religieuse. Il va de réunion de ceci à la réunion des mamans, des papas, des jeunes. Il est responsable dans tout ça. Et à la fin, dire, mais pourquoi Dieu ne m'a pas béni? Ah, c'est ça, mais c'est vrai. Hein? Pourquoi? Ça, ce n'est pas le problème. Moi, je pense que ce que nous devrons comprendre, c'est, je crois qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, Et tout à l'heure, le professeur Gadji parlait de croissance économique en Afrique. Mmh. On a eu des croissances de ces 10 dernières années, très fortes sur le continent, plus de 5% en moyenne. Mais notre capacité à sortir de la pauvreté est faible par rapport à l'Asie. Mmh. Parce que la croissance ne rend pas les gens automatiquement riches. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut trouver un moyen pour s'accrocher à cette croissance qui arrive. Et la force des autres, que ce soit des Occidentaux, des Asiatiques, c'est qu'ils voient un marché, ils voient l'avenir. Pendant que nous cherchons encore le travail, nous nous préparons pour faire le travail d'il y a 10 ans, le travail du 19e siècle, eux, ils se préparent pour le travail de demain. Quand ils vont à l'école, ils savent à peu près pourquoi ils vont, n'est-ce pas? Ils savent. Et donc, quand on dit travail aussi de foi, parce qu'on pense que c'est ça, alors on s'arrête là, on pense que c'est la solution, mais il faut que ce soit aussi un travail intelligent. Il faut que ce soit un travail aussi, parce qu'il faut que ce soit une formation qui s'inscrit dans les possibilités qui existent dans le pays. Si vous avez une formation qui n'est demandé par personne. Ou alors, vous avez la formation que tout le monde fait, vous arrivez sur le marché du travail, vous allez être bien formé, mais un chômeur. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes presque au terme de notre émission. On va demander votre mot de fin. Alors, professeur Gadji Abraham, qu'est-ce qu'on retient? Quelle solution pour mettre fin à la pauvreté des Africains? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Je crois que je m'appuierai sur la Bible. Genèse chapitre 26, verset 12. Isaac s'éma cette année-là et il récolta au centuple. La semence dont on parle ici, ce n'est pas la diminuer au fond. Il savait qu'il a travaillé, parce que des fois on prend ça pour prendre l'argent, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il a travaillé vraiment. Il a semé, c'est-à-dire qu'il a planté. Si c'était ici, on allait dire qu'il a planté le maïs, haricots, cacao, banane, ananas. C'est ce qu'il a fait. Et quand il l'a fait, Dieu l'a béni. Ce n'est pas comme cela qu'on interprète généralement. Non, mais c'est la manipulation. C'est la manipulation qu'on fait. On fait la manipulation. Des fois aussi, la manipulation qu'on fait à l'église pour avoir l'argent des gens. Non, il faut être clair. Ici, là, j'ai chapitre 26, verset 12, là. Ce n'est pas sémence en termes d'offrande. C'est sémence en termes de travail. Il a travaillé, il a planté, il a creusé des puits. On a comblé ses puits, il a continué à le faire jusqu'à ce qu'il devienne très riche. On l'a pourchassé, il a continué. On voit deux éléments. On voit investissement, on voit persévérance. Il n'est pas devenu riche en un coup. On appelle le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Mais voici le Dieu d'Isaac qui n'est pas devenu riche en un coup. Il est devenu riche de manière progressive. Process, investissement, un. Deuxièmement, persévérance dans l'investissement et commencer maintenant à récolter les fruits. Et ce n'est pas tout. Quand on récolte les fruits, on réinvestit encore. Parce qu'après Rehoboth, il est allé à Beersheba. C'est-à-dire qu'il avait atteint le sommet de la richesse. Il a pensé seulement à lui. Il a pensé à ses enfants. Il a pensé aux enfants de ses enfants. Si on comprend cela, et en pleine crise, il a travaillé, il a semé. Il a planté, il a persévéré et Dieu a béni son investissement. Donc, il faut s'aimer. Non, quand il s'aimer, ça fait trop argent. Il faut investir. Il faut avoir des plantations, travailler. Des usines, ateliers. Il faut creuser, il faut travailler. Persévérer dans l'investissement. Et persévérer dans la sueur. Pas arrêter seulement le travail pour dire, ma mère, on est prié. Dieu dans le travail. Travailler dur. Et puis, au bout, on voit l'effort. La grâce se manifester. Je crois que si on le fait, on va devenir riche. D'accord, merci professeur beaucoup. Gadji Abraham, monsieur Pascal Yimbelin. Votre mot de fin. Mon mot de fin, ce serait de dire que la pauvreté n'est pas un phénomène africain. Ça, vraiment, il faut que ce soit clair. Même jusqu'aujourd'hui, vous trouverez des pauvres en Amérique, en Europe, même en Allemagne, en France, au Japon, partout. Vous allez trouver des gens pauvres, des clochards, des gens qui sont dans la rue et qui ont moins que les Africains. Mais vous trouverez aussi dans ces pays une majorité des gens qui vivent bien. Mais ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas un miracle, mais c'est une démarche pour sortir de la pauvreté. C'est toute une démarche et cette démarche consiste d'abord à avoir une vision claire. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Il y a tellement de choses, on ne peut pas tout faire, mais il faut faire le choix. Une fois qu'on a fait un choix, il faut avoir un projet très clair. Parce que très souvent, voyez un peu nos jeunes, ou alors voyez un peu nos Africains, quand ils prennent l'avion pour partir, je vais en Europe, tu vas aller faire quoi là-bas, il ne sait pas pourquoi. Il va me chercher. Il va aller se chercher. Mais il faut savoir d'abord ce que tu vas chercher, sinon tu ne trouveras rien, n'est-ce pas? Et donc, avoir un vrai projet, si ce projet doit passer par l'Europe ou par quelque part, alors il faut se battre pour aller quelque part. Mais en travaillant bien sur votre projet, vous pouvez vous rendre compte que vous pouvez avoir 90% de ce que vous cherchez autour de vous. Quand je dis 90%, ça peut être des conseils que vous pouvez avoir auprès des frères, ça peut être des ressources que vous pouvez avoir auprès d'un système bancaire. Si vous avez eu un comportement d'épargne, comme je disais tout à l'heure, qui vous rend crédible aux yeux d'une association, même d'une tantine, vos frères qui sont à l'église, ils savent comment vous vivez. Si vous rentrez dans une tantine et vous dites que vous voulez être le premier, ils ne vont pas dire non, n'est-ce pas? Parce qu'ils savent qui vous êtes. Et donc, une fois qu'on a ça, et là je rejoins le pasteur Gadji, c'est la persévérance. C'est pas, on ne devient pas PDG après le premier, juste au premier bénéfice, n'est-ce pas? Il y a l'auto-investissement qui est important. Quand on a fait des bénéfices, on retire ce qu'il faut pour vivre, mais il faut réinvestir dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat. Et dans l'entreprise, il ne faut pas mettre que ses parents parce qu'ils sont pauvres et il faut les aider. Quand on fait des affaires, on fait des affaires pour gagner de l'argent. C'est ça l'objectif. On ne fait pas des affaires pour aider les autres. Après, quand ça marche, on peut commencer progressivement à récupérer les uns et les autres. Donc, encore une fois, il faut avoir une attitude positive pour pouvoir sortir de la pauvreté, qui n'est pas une fatalité. Merci beaucoup, M. Niembeline Pascal. Alors, avant de redonner la parole à Chrysostome, j'aimerais encore dire merci à tous ceux qui ont participé en nous envoyant leur contribution sur l'application Android Radio Fréquence Ville. Que Dieu vous bénisse. C'est cela, Christelle. Le travail, rien que le travail, pour sortir les Africains de la pauvreté, a-t-il souligné haut et fort, professeur Abraham Gadji, la persévérance dans l'investissement. Nous devons apprendre à économiser, c'est-à-dire à gérer. Le chrétien a un comportement économique rationnel et non irrationnel, au dit de M. Pascal Yimbeline. Ne mélangeons pas le travail avec la prière. M. Pascal Yimbeline, économiste de formation, merci d'avoir accepté notre invitation. Professeur agrégé des facultés de droit Abraham Gadji, merci d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. En tant que chrétiens, nous devons être sérieux dans tout ce que nous entreprenons, comme la Bible le dit dans Psaume 1 et 2 Thessaloniciens chapitre 3. Pour sortir les Africains de la pauvreté, a-t-il ajouté le pasteur Jacques Canem. Saïble Etienne a réalisé ce temps d'antenne, à microphone Christelle Nguessa Inimouti Samuel Chrysostome, sous la supervision générale du révérend Dieudonné Ngoumbi, directeur général de la radio Fréquence Vie. Merci. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. C'était le Grand Débat avec Inimouti Samuel et Christelle Nguessa.